C'est l'histoire d'une noce, mais ça se passe en Allemagne, et ça s'appelle Das große Noss, jawohl! Ein, fünf, sieben, acht. Ça chante et ça danse, c'est comme un dimanche, on va rigoler. Et sonne les cloches, sonne pour la noce, ils sont mariés. Maman se désole, papa la console, à chacun son tour. Et vive la fille qui perd sa famille mais gagne l'amour. Au dessert, on chante chacun sa romance, même grand-papa qui a fait la guerre là-bas en Bavière et qui n'oublie pas. Ein, zwei, ein Tag in Paris, de les grosses mademoiselles, Paris de Bethel, und die Folie Bergère. Wollen Sie Fräulein, Promenade, Caramel, wollen Sie Fräulein? Mais les petits amoureux, comme ils sont loin de tout ça, ils se caressent des yeux du bout des doigts. Et quand nous aurons des millions, nous meublerons la maison comme celle du patron, petit patapon. Les belles servantes qui roulent des hanches passent les plateaux. Le maire écarlate défait sa cravate d'or, il a le cœur chaud. Monsieur le vicaire cherche une prière pour ces moments-là, tandis que grand-père lui trouve dans la bière les contes autrefois. Ein, zwei, ein Tag in Paris, mit den großen Matrasen, Paris de Revelle und die Folie Bergère. Wollen Sie Fräulein, promenade mit mir, Caramel, wollen Sie Fräulein? Amoureux, comme ils sont loin de tout ça, ils se dévorent des yeux du bout des doigts. Nous ferons beaucoup d'enfants, et le premier, justement, avant qu'il ne soit longtemps. Petit chenapan, voilà qu'il s'éloigne avec sa compagne. Ils n'ont pas sommeil, les célibataires et leurs cavalières hein, feraient bien pareil. Là-haut, la fenêtre s'éclaire à la fête. Adieu les petits. Tandis que grand-père, lui, noyé dans sa bière, continue sa vie. Ein, fünf, in Paris, dans les grosses mademoiselles, Paris de Bethel, on dit folie berger. Entschuldigen Sie, das ist zu viel, zu viel. Was ist das, warum schütt? Schlafen, schlafen. Les amoureux schlafen? Nuit de noce schlafen? Soporifique, soporifique, da. Ni schlafe, ni kaputt. Docteur von Bernard. Ein Tag in Paris. Mit einem Französisch. Kolossal. Marché commun, mademoiselle. Hier. Ich glaube, dass Paris sera toujours Paris.